Préface. Jean le Baptiste. Vie de Jésus-Christ, d'après les visions d'Anne-Catherine Emmerich, volume 1. Traduit de l'allemand par Brentano, 1862. Le Saint-Esprit inspirait Jean dans son travail, comme il a inspiré les prophètes autrefois. Jean allait droit aux hommes, sans que rien ne le détourne, et ne parlait que de pénitence et de l'approche du Seigneur. Tous devenaient sérieux quand se manifestait. Sa voix était perçante comme une épée, claire et forte. Il traitait tous les hommes quels qu'ils soient comme des enfants. Partout, il allait droit son chemin, rien ne pouvait le détourner de sa voie, il ne regardait à rien, n'avait besoin de rien. Il parcourait les bois et les déserts, pour creuser ça et là, rouler des pierres, enlever des arbres, préparer des lieux de repos, rassemblait autour de lui les hommes, et même allait les chercher dans leurs cabanes pour les faire travailler avec lui. Tous le regardaient avec étonnement et admiration. Il ne s'arrêtait pas longtemps et allait sans cesse d'un endroit à l'autre. Il suivit le bord de la mer de Galilée, descendit la vallée du Jourdain au-dessous de Tariché, puis près de Salem, alla vers Bethel par le désert, et passa devant Jérusalem, ville où il n'allait jamais, mais qu'il contemplait toujours avec tristesse et gémissement. Tout entier à sa mission, il criait sans cesse. « Faites pénitence. Préparez-vous. Le Sauveur vient. » Il alla ensuite dans sa patrie par la vallée de Bergé. Son père et sa mère étaient morts. Quelques jeunes gens, parents du côté de Zacharie, furent ses premiers disciples. Lorsque Jean passa par Bethsaïde, Capharnaüm, et Nazareth, la Vierge Marie ne le vit pas, elle sortait peu depuis la mort de Joseph, mais des hommes de sa famille entendirent ses exhortations et l'accompagnèrent sur le chemin. Pendant les 3 mois qui précédèrent le baptême, Jean parcourut le pays, annonçant celui qui devait venir après lui. Il y avait dans toutes ses allures une autorité incroyable. Il s'avançait d'un pas ferme et rapide, sans précipitation. Ce n'était pas la démarche calme du Sauveur. Là où il n'avait rien à faire, il courait d'un champ à un autre, entrait dans les maisons, allait enseigner dans les écoles, rassemblait le peuple autour de lui, dans les rues et sur les places. Quelquefois des prêtres et des magistrats l'arrêtaient pour lui demander des explications. Mais vite saisi d'étonnement et d'admiration, il le laissait aller. L'expression « préparer les voies du Seigneur » n'était figurative, Jean commença ses fonctions en préparant des chemins à parcourir tous les lieux et les chemins par lesquels passeraient Jésus et ses disciples plus tard. Il enlevait des broussailles et des pierres çà et là, faisait des sentiers, établissait des passages sur les ruisseaux, nettoyait leurs lits, creusait des réservoirs et des fontaines, préparait des sièges, des lieux de répit, faisait des toits de feuillage et divers arrangements dans les endroits où par la suite le Seigneur se reposerait, enseignerait et agirait. En se livrant à ses travaux, cet homme grave et simple, avec son vêtement grossier et son aspect austère, attirait l'attention des gens de la campagne. Il suscitait l'étonnement dans les cabanes où il entrait emprunter les outils nécessaires à son travail, où il prenait des gens aussi pour l'aider. Partout où il allait, on l'entourait aussitôt et il exhortait gravement à la pénitence, annonçant que le Messie viendrait après lui et qu'il préparait les voies. Il montrait souvent du doigt la contrée où Jésus se trouvait. Ils ne furent jamais ensemble bien qu'il eût à peine une heure de route entre eux. Une fois que Jésus ne se trouva qu'à une petite lieue, Jean cria aux auditeurs qu'il n'était pas le Sauveur attendu, mais qu'un simple pionnier, en montrant un point de l'horizon où se trouvait le Sauveur. Jean baptisait à plusieurs endroits, d'abord près d'Ainon dans la contrée de Salem, puis à On, vis-à-vis de Beth-Tabara sur la rive ouest du Jourdain, de courte distance de Jéricho. Dans quelques semaines il baptisera Jésus à cet endroit. Le troisième lieu était à l'est du Jourdain à 2 lieues au nord. C'est à Ainon qu'il fut arrêté, tandis qu'il baptisait. Le cours d'eau où Jean baptisait était un bras du Jourdain qui se détournait d'une lieue à l'est du fleuve. Ce bras était parfois si étroit qu'on pouvait le franchir d'un saut, et d'autres fois plus large, et d'autres fois sans eau. La courbe que formait ce bras du Jourdain renfermait de petits étangs et des fontaines qui en tiraient leur eau. C'était un de ces étangs, séparé du bras par une chaussée, que Jean baptisait à Hainon. L'homme qui devait être baptisé était plongé dans l'eau jusqu'à la ceinture et s'appuyait sur une barrière. Jean versait l'eau sur la tête avec une écuelle, et de l'autre côté un homme déjà baptisé mettait la main sur sa tête. Jean avait lui-même imposé les mains à ce dernier. Le haut du corps des aspirants n'était pas entièrement nu mais enveloppé dans un drap blanc, les épaules seules paraissaient. Il y avait là aussi une cabane où on se déshabillait et se rhabillait. Jean portait une longue robe blanche lorsqu'il baptisait. Il y avait une contrée très agréable et abondante, en eau qui s'appelait Salem, où l'on donnait le baptême. Le bourg de Salem était situé sur les deux rives d'un bras du fleuve, tandis qu'Hainon au contraire était au-delà du Jourdain, plus au nord que Salem, plus près du fleuve et considérablement plus grande. Des troupeaux paissaient dans les environs, beaucoup d'ânes broutaient dans les prairies verdoyantes au bord des eaux. Il y avait ici, près d'Hainon et de Salem, une espèce de terre libre où prédominait une sorte de tradition qui voulait que nul ne puisse en être expulsé. Jean avait à Hainon sa cabane, sur de vieilles constructions où s'élevait autrefois un grand édifice. On avait bâti quelques cabanes sur ces ruines, qui étaient les fondations d'un château formé de tentes, que Melchizedek avait ici. 5 ans avant que Melchizedek bâtît ici son château de tentes, Abraham en eut une vision et érigea 2 pierres, l'une sur laquelle il s'agenouillait, l'autre comme un autel. Il vit la cité de Dieu, comme la Jérusalem céleste d'où descendaient des courants d'eau sous forme de rayons, l'eau sortant de la ville et se répandant de tous côtés. Il reçut le devoir de prier pour l'avènement de la cité de Dieu. Melchizedek bâtit un château près de Salem, ou plutôt une grande tente avec des galeries et des escaliers, comme le château de Mansor en Arabie. Seuls les fondements étaient en pierre très solide. À l'époque de Jean, les 4 angles pour planter les principaux pieux y étaient encore et il restait des fondations en pierre solidement bâties qui ressemblaient à un rempart où Jean avait une petite cabane de roseaux. Ce château de tente était un lieu où logeaient les étrangers et beaucoup de passants, une sorte d'hôtellerie libre au bord de ces belles eaux. Melchizedek servait de conseiller et guidait les peuples et les races se déplaçant d'un lieu à un autre. Il avait construit ce château pour y donner l'hospitalité et enseigner, et quelque chose qui se rapportait au baptême. Cet endroit était un point central par lequel Melchizedek se rendait soit à Jérusalem, où il construisait, soit auprès d'Abraham, soit ailleurs. C'est là qu'il réunissait des familles et des individus auxquels il assignait des résidences pour s'établir dans un lieu ou un autre. Cela s'était passé avant l'offrande du pain et du vin qui avait lieu dans une vallée au sud de Jérusalem. Il avait construit cet édifice avant de construire à Jérusalem et sur la montagne du Calvaire. Melchizedek ressemblait à un jeune homme de 25 ans environ, il n'avait jamais la tête couverte, sa chevelure passait derrière ses oreilles, il était souvent absent et semblait être ailleurs que sur terre, par exemple au paradis ou en quelque autre endroit habité par des esprits purs. Souvent il allait seul ou avec des gens avec des bêtes de somme, mais jamais de parents. Melchizedek était seul, excepté lorsqu'il était occupé à réconcilier ou à séparer, ou à ruiner des familles et races de peuples. Là où il agissait et construisait, il semblait poser la pierre d'une future grâce, attirer l'attention sur un lieu, commencer quelque chose qui était destiné à un grand avenir. Melchizedek était préposé à un grand nombre d'anges. Il avait paru en divers endroits de la terre promise. Lorsqu'elle était tout à fait déserte, déjà il aménageait le pays et préparait certains endroits. Il a ouvert la source du Jourdain en perçant dans une montagne. Pour percer, il avait un long et bel instrument qui entra comme un rayon dans la montagne. Il ouvrit ainsi des sources en divers lieux de la terre. Avant le déluge, dans les premiers temps du monde, les rivières ne jaillissaient pas comme aujourd'hui, mais il y avait une très grande quantité d'eau qui descendait d'une montagne située à l'Orient. Jacob aussi avait longtemps résidé avec ses troupeaux près d'Énon. La citerne de la fontaine baptismale existait déjà et Jacob la répara. Les restes du château de Melchizedek étaient au bord de l'eau, près du lieu où l'on baptisait. Dans les premiers temps du christianisme, une église s'élevait à l'endroit où Jean avait baptisé, et cette église subsistait encore quand Marie l'Égyptienne passa par là pour se rendre au désert. Salem était une belle ville qui fut dévastée pendant une guerre, durant la destruction du premier temple avant Jésus. Cela faisait environ 2 semaines que Jean était devenu connu pour sa prédication et son baptême, lorsque des messagers d'Hérode vinrent à lui de Caliroé où Hérode habitait, dans un château à l'est de la mer Morte, et où il y avait beaucoup de bains et de sources d'eau chaude. Hérode voulut que Jean vienne le visiter, mais Jean répondit à ses envoyés que si Hérode voulait lui parler, il n'avait qu'à venir le trouver. Hérode partit sur un chariot à roues surmonté d'un siège, entouré de soldats. Il alla à une petite ville à 5 lieues au sud d'Énon et invita Jean. Jean se rendit devant l'endroit et entra dans une cabane qui servait aux étrangers. Hérode vint le trouver et ils eurent un bref entretien. Hérode lui demanda pourquoi il logeait dans une cabane si misérable à Énon, et voulut lui faire bâtir une maison. Jean répondit avec gravité qu'il n'avait pas besoin de maison et qu'il faisait la volonté d'un plus grand que lui. Les fils d'Alphée et Marie de Cléophas, Simon, Jacques le mineur, Thaddée, et José Barsaba, fils de son second mariage avec Saba, se furent baptisés à Énon par Jean. André et Philippe vinrent aussi le voir et furent baptisés par lui, puis ils retournèrent à leurs affaires. Jean le Baptiste avait déjà 20aine de disciples. La plupart des apôtres et plusieurs disciples avaient déjà reçu le baptême, mais pas encore Nathanaël et un autre. Marie fut baptisée seule à la piscine de Bethéda par l'apôtre Jean après l'ascension du Sauveur, et toutes les autres femmes furent elles aussi baptisées dans la piscine de Bethéda. Aujourd'hui, plusieurs magistrats et prêtres de Jérusalem et des endroits voisins sont venus vers Jean. Ils lui ont demandé qui il était, qui l'avait envoyé, ce qu'il enseignait, etc. Il leur répondit avec sévérité qu'il annonçait la venue prochaine du Messie. Il les accusa d'hypocrisie et d'endurcissement, sans encore employer l'expression race de vipère. On envoya vers Jean, de Nazareth, Jérusalem et Hébron, en 3 endroits différents, des troupes entières de magistrats et de pharisiens chargés de l'interroger sur sa mission. Ils avaient un grief contre lui d'avoir investi de sa propre autorité le lieu où il baptisait. Beaucoup de publicains qui allaient le trouver se sont furent baptisés par Jean, il avait fortement secoué leur conscience. De ce nombre était Lévi le publicain, appelé plus tard Matthieu, fils du premier mariage d'Alphée.